avec les gars. Elle a perdu sa jarretière qui tenait pas. Quand on se noie à la fête pour écouter les violons, il y a toujours en fait le son d'un accordéon. Avec les gars, elle a perdu sa jarretière qui tenait pas.